Bonjour à tous. Donc je suis Nicolas Vernet, architecte HMOMP formé à l'école de Grenoble. Je suis actuellement au début de deuxième année de thèse au laboratoire culture constructive. Mon titre de thèse, donc c'est des Garden Cities du 21e siècle, le modèle des Garden Cities comme une des réponses possibles à la crise du logement dans un contexte de transition socio-économique. Cette thèse est co-dirigée par Anne Coste et Stéphane Sadou, et elle est co-financée, entre autres, elle est co-financée par l'ADEME et le LABEX MCC. Donc, pour commencer, cette thèse s'appuie sur trois constats principaux. Le premier constat, c'est un constat de crise du logement. Une crise qui a deux dimensions. Une première dimension qui est qualitative, celle des nombreux enjeux du mal logement, qui sont mis en avant notamment chaque année par la Fondation Abbé Pierre. Dans ces enjeux, on trouve les inégalités sociales, donc des difficultés d'accès au logement principalement. Un phénomène qui est amplifié par des inégalités territoriales, il y a l'attraction économique de ces territoires en question. Et aussi la question de la précarité énergétique et donc des difficultés financières à assurer son confort thermique. Donc, pour moi ici, la crise du logement est avant tout une crise sociale et économique. Le deuxième aspect, la deuxième dimension, c'est une dimension qui est plus quantitative, c'est celle du besoin en logement, besoin qui est lié à l'augmentation démographique, qui est en moyenne de un besoin de 300 000 logements par an nécessaire d'ici 2030, à la fois en France et en Angleterre. Si on prend en considération les besoins liés au mal logement que j'ai évoqué juste avant, en fait, on établit plutôt ce besoin en logement autour de 500 000 logements par an. Un deuxième constat qui est un constat environnemental, sur lequel reposent deux rapports principaux. Le premier, le rapport Meadows en 1972, qui est intitulé The Limits to Growth, qui interpelle la communauté internationale en mettant en perspective notamment l'accroissement de la population mondiale et donc de ses besoins. Et l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, en particulier les ressources énergétiques. Le deuxième rapport, c'est le rapport Rutland, qui lui a été publié en 1987, qui s'intitule Our Common Future, qui évoque pour la première fois le terme de développement soutenable et la responsabilité de nos choix de société sur le sort des prochaines générations. Un troisième constat également, qui est celui de la pollution atmosphérique, et le fait que les énergies fossiles qu'on consomme induisent des rejets de CO2 qui provoquent le dérèglement climatique, mais plus important pour les individus, le rejet de particules fines qui pose des problèmes de santé des populations, en particulier dans les espaces urbanisés. Fort de ces constats sur les limites et les conséquences de notre modèle de croissance basé sur les énergies fossiles, nous partons du postulat qu'une transition énergétique est largement souhaitable, tout en sachant que les secteurs qui concernent l'urbanisation, donc le résidentiel et les transports, consomment plus de 78% de l'énergie finale. Cependant, les changements qu'implique cette transition vont au-delà de la question de l'énergie, et on a plutôt tendance à considérer un ensemble de transitions qui sont indirectement provoquées par ces enjeux énergétiques, qu'on qualifie donc comme une approche plus holistique de transition socio-écologique. Selon Robert Kins, qui est à l'initiative du mouvement des villes en transition, la transition socio-écologique est une période favorable, et c'est notre point de vue aussi, notamment pour l'émergence d'opportunités et de nouveaux projets, pour le développement de capacités de résilience des populations face aux crises, et également pour le changement de comportement, notamment par la proactivité de la population et la meilleure responsabilité des populations, un meilleur engagement. Donc cette thèse s'inscrit également dans une vision prospective qui est partagée, celle d'un futur désirable mais réaliste, tout en tenant compte de l'ensemble des dimensions techniques, mais aussi humaines et sociales. Je m'appuie donc pour cette thèse sur l'expertise de scénarios pluridisciplinaires et complémentaires à l'horizon 2050. Dans ces scénarios, on retrouve par exemple le scénario Negawatt sur la question de l'énergie, le scénario After 2050 qui est un scénario complémentaire sur la question de l'agriculture, mais aussi le scénario d'emploi de la plateforme énergie-climat et puis des scénarios de l'ADEME, mon cofinanceur, qui est plutôt sur des questions macroéconomiques. J'en viens donc à une première hypothèse qui est qu'à terme, malgré la poursuite d'une politique d'intensification des zones déjà urbanisées, ce qu'on fait avec les écoquartiers notamment, la construction de nouveaux établissements humains sera nécessaire pour répondre à la crise du logement et leur compatibilité avec les objectifs de transition socio-écologique sera une exigence prioritaire. Il faut donc imaginer de nouvelles formes d'organisation territoriale, pensées de manière transcalaire et systémique, ce qui permettrait de répondre à la fois à la demande de logement, tout en offrant des habitations de qualité à moindre coût et en favorisant la mise en œuvre de la transition socio-écologique. Pour ça, ma démarche est de partir de précédents, et en particulier des précédents qui datent de la période de l'émergence de l'urbanisme à la fin de l'époque victorienne en Angleterre. Donc, dans le domaine de l'architecture et de l'aménagement, ma thèse se réfère à un précédent qui a eu une grande influence sur le développement urbain du XXe siècle, qui est le modèle des Garden City imaginé par Ebenezer Howard à la fin du XIXe siècle. Dans son ouvrage Cities of Tomorrow, Peter Hall indique qu'il est sûrement le personnage le plus important de l'histoire de l'urbanisme, alors même qu'il n'est ni architecte ni urbaniste, mais c'est un simple sténographe. Howard publie en 1898 son seul et unique ouvrage, qui s'appelle Tomorrow, Peaceful Past, Real Form, dans lequel il légitime d'ailleurs lui-même l'importance des précédents et de leur amélioration par itération successive. Et dans cet ouvrage, il expose notamment un nouveau modèle d'urbanisation, celui des nouveaux établissements humains qu'il nomme des Garden Cities. Au-delà du modèle spatial, il faut bien comprendre que c'est un modèle économique destiné à améliorer les conditions sociales de la classe laborieuse de l'Angleterre du début du XXe siècle. Ce livre est notamment illustré par plusieurs diagrammes qui sont, dans un premier temps, utilisés par Howard comme outil de communication qui lui permettent de faire passer ses idées principales auprès du public et d'éventuels investisseurs. Parmi ces diagrammes, le plus connu, c'est sans aucun doute celui des trois aimants, dans lequel, au-delà de la métaphore de l'attraction des populations et notamment de l'attraction économique et de bien-être, Howard pointe les problèmes générés par la révolution industrielle du 19e siècle. On y retrouve des situations similaires au constat de notre époque, de sorte que certains commentateurs en Angleterre notamment qualifient notre ère d'ère néo-victorienne. C'est une période de forte inégalité sociale, une période où la surpopulation urbaine induit des difficultés d'accès au logement. Il y a une importante pollution des industries qui sont situées à l'intérieur même des villes. Et s'ajoute à cela les très mauvaises conditions de santé de la population qui est provoquée par cette pollution. Cette mauvaise santé de la population est notamment dénoncée par les rapports de plusieurs médecins à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi évoquer d'autres précédents plus en amont, comme le rapport de l'économiste William Stanley Jevons en 1865, qui évoque déjà la limite des ressources énergétiques. Il l'évoque pour des raisons qui sont plutôt l'épuisement des mines de charbon et qui menacent la suprématie de l'économie anglaise, donc vraiment pour des questions économiques et nationales. On peut évoquer juste un an plus tôt, en 1866, l'invention d'Auguste Mouchot, qui part des mêmes craintes d'épuisement du charbon, il développe à ce moment-là le premier moteur solaire qui alimente une machine à vapeur. Cette invention est présentée à l'exposition universelle de Paris en 1878, et elle inspirera notamment la société décrite par Émile Zola dans son roman Travail en 1901, qui est entièrement alimentée à l'énergie solaire. Cette invention sera d'ailleurs éclipsée par l'arrivée du pétrole et du moteur à explosion, d'où le fait qu'on est aussi à cette époque-là dans une transition énergétique, mais qui est plutôt du charbon au pétrole. Ce qui est intéressant également, c'est de constater que Howard lui-même avait beaucoup d'influence, qu'il évoque lui-même dans la composition de son modèle, et qui propose que, d'ailleurs, son modèle, il le qualifie lui-même de combinaison de projets uniques en son genre, dans le sens où l'invention, c'est plutôt la combinaison de tous ces projets-là. Il revendique explicitement l'influence de plusieurs idées spécifiques, dont je vais décrire les principales. La première, c'est la question de l'idée de société égalitaire basée sur une organisation collective. C'est notamment le cas décrit par deux de ses lectures, qui sont Edward Bellamy et William Morris, Le premier décrit une société utopique dans le film Backward dans les années 2000, alors qu'on est du coup en 1887, qui est basé sur l'égalité et la méritocratie. Deux ans après, William Morris lui répond sur le côté autoritaire sur lequel il n'est pas forcément d'accord, et il décrit lui plutôt une société utopique décentralisée, émancipatrice en 2102. Le deuxième projet qu'il évoque, c'est le système équitable de jouissance du sol, notamment pour éviter les questions de spéculation. Pour ça, il évoque Thomas Spence, qui lui part du principe que tous les hommes doivent avoir un droit égal à l'usage du sol et que l'État doit garantir ça de manière autoritaire. Et Spencer, qui lui développe plutôt l'idée que le sol est possédé par la collectivité, doit être possédé par la collectivité, et qu'il n'y a pas de propriété individuelle du sol, mais que la location est en fait l'unique mode de jouissance du sol. Troisième idée, l'idée de l'impôt unique est développée par Henri Georges, qui est basée sur les valeurs de la terre, donc, ce qui complète l'idée précédente. Le but d'Henri Georges, c'est vraiment de chercher à lutter contre les inégalités sociales qu'il constate, et de faire le lien, il les constate en faisant le lien entre les faibles conditions sociales, l'exploitation du travail et la question foncière. La quatrième idée, c'est l'idée de migration organisée, qui est influencée par deux personnages. Le premier, c'est Edward Gibbon Wakefield, qui lui est le moteur dans la colonisation de l'Australie à l'époque en 1849, quand il publie Art of Colonization. Et il pense la colonisation donc extérieure, internationale, ou extérieure au pays en tout cas. Il pense la colonisation comme un outil d'ingénierie sociale pour lutter contre le surpeuplement. Il soutient l'idée que ces colonies doivent être établies sur des bases scientifiques qui doivent être pensées et dans leur organisation humaine et sociale. Deuxième personne qui traite de la migration organisée, c'est Alfred Marshall, qui propose lui une migration, mais à l'intérieur du pays, une migration nationale, et notamment, comme c'est aussi en Angleterre, le déplacement des populations londoniennes vers de nombreux établissements humains organisés par les industriels autour de leurs usines en périphérie. Dernière idée, c'est l'idée de ville modèle pour éviter de reproduire les défauts des villes anciennes. C'est l'idée de James Hillock Buckingham qui, dans National Evils and Practical Remedies, propose la combinaison d'une communauté agricole et industrielle, notamment au sein de villes modèles, de villes nouvelles qui sont gérées par un système coopératif. Partant de là, l'ouvrage de Ward a également un but pragmatique, c'est un outil de communication, mais c'est aussi un outil de conception, et il laissera à différents architectes ensuite la tâche de spatialiser ces principes. Pour cela, il crée, un an après la publication de son ouvrage, la Garden City Association, pour promouvoir son modèle, puis l'entreprise Garden City Planner Company Limited, en 1902, pour trouver un site pour le premier projet qu'il veut réaliser. Pour ça, il arrive à acheter un premier terrain au nord de Londres pour bâtir la première ville qui s'appelle Edgeworth Garden City en 1903. Et il confie à deux architectes associés, Barry Parker et Raymond Unwin, la réalisation du master plan. Un deuxième projet sera réalisé, c'est Welling Garden City, qui est un petit peu plus proche de Londres sur le même trajet de train. Et le master plan est confié cette fois à un autre architecte qui est Louis de Soissons. Le modèle des Garden City va évoluer un petit peu, enfin, va évoluer au cours du XXe siècle, notamment après-guerre entre 1946 et 1970, à l'initiative du gouvernement anglais, et il va servir de référence à la création de 32 Newtons. Les Newtons, c'est vraiment les villes nouvelles anglaises d'après-guerre. Il y a eu trois phases. Elles sont organisées d'après le plan du Grand Londres d'un autre architecte qui s'appelle Patrick Abercrombie. Et pour faire le lien avec les Garden City, c'était à l'époque le vice-président de la Town and Country Planning Association, qui est l'ancienne Garden City Association fondée par Ward. Ces Newtons reprennent plusieurs principes des Garden City, notamment la dispersion de la population et des activités économiques, mais aussi l'idée de Greenbelt et de limiter l'étalement urbain et aussi la limite de population qui, elle, est fixée à 50 000 habitants, alors que la Garden City est fixée plutôt aux alentours de 30 000 habitants. Depuis ces dernières Newtons, en 1970, il n'y a pas eu grande politique officielle de réalisation de logements massifs jusqu'à très récemment, jusqu'à en fait 2014, où pour faire face à la crise du logement contemporain en Grande-Bretagne, plusieurs initiatives gouvernementales, à la fois menées plutôt par une coalition entre les conservateurs et les libéraux, et certaines initiatives privées tentent à réhabiliter le modèle de la Garden City, qui est un modèle à la base socialiste, pour le rappeler au niveau politique. Dernièrement, le prestigieux prix économique Wolfson proposait comme sujet de la réinterprétation du modèle des Garden City, justifiant ainsi toute la portée économique du sujet des Garden City. Ce concours, le lauréat, c'est une équipe d'urbanistes qui s'appelle Urbed, qui a proposé ce projet que vous voyez à l'écran, qui est le projet Buxter, qui est un projet plutôt théorique, basé sur une réinterprétation du modèle de Warren. La même année, en 2014, deux nouvelles Garden City sont annoncées par le gouvernement britannique. C'est la Garden City d'Ebbsfleet, de 15 000 logements, et la Garden City de Bicester, de 13 000 logements. Entre 2015 et 2016, le gouvernement a annoncé 5 nouvelles Garden City, ce qui totalise, avec les deux précédentes, donc les 7 au total, environ 100 000 nouveaux logements. Plus récemment, en 2017, en janvier, il y a à peine un mois, le gouvernement annonce 3 nouvelles Garden Zones, qui sont, selon eux, les Garden Zones, c'est plus de 10 000 logements, et 14 Garden Villages, qui sont des établissements humains plus petits, de 1 500 à 10 000 logements. Ce qui totalise encore une fois 100 000 nouveaux logements en une seule et même annonce, ce qui fait 200 000 avec les annonces précédentes. En parallèle de ces initiatives soutenues par le gouvernement, des Newtons sont aussi initiés par des propriétaires terriens privés qui ambitionnent clairement plutôt une approche spéculative, mais qui est quand même dans une vision à long terme. Certains tablent sur une construction étalée sur 40 ans. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi que ces initiatives privées font appel à André Zuanic, qui est un urbaniste américain cofondateur du New Urbanism, qui est un courant d'urbanisme qui s'inscrit dans la tradition du mouvement des Garden City et qui a été créé plutôt dans les années 90. La méthode choisie pour cette thèse m'amène donc à faire l'analyse d'un premier corpus, qui est l'analyse de deux modèles théoriques, de 5 réalisations effectives et de 3 projets en cours de réalisation qui sont plutôt les nouvelles Garden City. Et qui me permet de comprendre en fait l'évolution des modèles des Garden City, et d'analyser comment et dans quelles limites le modèle d'Howard de la fin du 19e siècle est transposable spatialement et aussi temporellement. Il se compose de projets donc, de 3 différentes natures qui vont de la théorie initiale jusqu'au dernier projet en cours de réalisation. Pour ça, je m'appuie également sur un réseau de partenaires sur place, des partenaires à la fois académiques et opérationnels basés en France et en Angleterre. Là, j'ai une couleur, mais vu que les couleurs sont un peu affadies par l'écran, concrètement en vert, il y avait des laboratoires de recherche, en bleu, des universités qui sont liées à ces laboratoires de recherche, des acteurs aussi économiques et qui participent à la diffusion du modèle des cités-jardins, des Garden Cities, pardon, en Angleterre, on ne va pas confondre les deux maintenant. Donc des acteurs historiques et de diffusion du modèle des Garden City en rouge, des acteurs aussi opérationnels, notamment sur les dernières opérations en cours des nouvelles Garden Cities en jaune, et autour chronologiquement disposer tous les liens avec mon projet de thèse qui sont les projets de mon corpus. J'en arrive donc à ma seconde hypothèse qui explicite ma posture de recherche par le projet, et je fais donc l'hypothèse que c'est en cherchant à comprendre les enjeux de société par la spatialisation, que des réponses innovantes peuvent être apportées par les professionnels du territoire et notamment par les architectes. Donc il faut donc apporter une posture de recherche qui consiste à spatialiser, pour moi, la transition socio-écologique afin d'élaborer de nouveaux modèles qui permettent la prise en compte de changements et des crises à venir, en particulier environnementales, et ça de manière transcalaire, donc de l'édifice au territoire. Pour ça, je me base sur un second corpus qui est composé d'une première partie qui est basée sur les pratiques pédagogiques du Master Culture Constructive, qui est composé de projets d'étudiants de Master 2 qui réalisent leur PFE, notamment sur les sites de, sur les sites de certaines Garden Cities ou de certaines Newtons, notamment l'année dernière sur la Garden City de Welling et cette année sur la Newtons de Milton Keynes, qui est une des dernières Newtons réalisées. Une des plus importantes aussi en superficie. Ces étudiants ont notamment comme objectif de spatialiser la transition socio-écologique tout en s'inspirant des principes du précédent historique des Garden City liés à l'histoire des sites, de leurs sites respectifs. L'analyse de leur projet va me permettre de comprendre la pertinence des principes des Garden City combinés avec la spatialisation de la transition socio-énergétique, socio-écologique au cours du processus de projet. La seconde partie de mes investigations comprennent une expérimentation par projet dans laquelle je testerai les potentialités révélées par les analyses de ces deux premiers corpus afin de comprendre dans quelle mesure le modèle est transposable au final dans le contexte français. Je termine par quelques pistes de recherche que je vais illustrer de manière assez directe en passant des principes qui composent le modèle théorique des Garden City aux potentialités de la transition socio-écologique du XXIe siècle. Je me base là-dessus un petit peu sur l'idée et l'exemple que des urbanistes urbaines qui ont été lauréats du concours Wolfson en représentant ce diagramme qui est en fait une réinterprétation des trois aimants de Ward pour questionner une problématique qui est beaucoup plus contemporaine, qui est celle de l'étalement urbain. En tout cas comme on le vit à notre époque. L'objectif, c'est de se saisir de la structure et de l'essence de la théorie imaginée au XIXe siècle, mais aussi, de par cette démarche, de faire ressortir quatre principaux axes d'investigation pour le contexte contemporain. Et enfin, d'imaginer les potentialités d'une réinterprétation du modèle du XXIe siècle par le prisme de la transition socio-écologique. Le premier axe, c'est l'axe du territoire et de ses ressources. C'est l'axe du lien au territoire et des ressources au sens large, celles qui sont mobilisées par des acteurs afin de construire un projet de territoire commun et de composer une territorialité partagée. C'est donc la manière dont les interactions entre les ressources, le territoire et les projets d'acteurs composent un écosystème autour des ressources territoriales. Ce que dit le modèle de Ward, c'est pour lui, il favorise clairement une synergie entre la ville et le territoire, entre la Garden City et son territoire environnant, pour produire et transformer et distribuer localement les ressources qui sont produites par ce territoire. Alors lui, il aborde principalement des ressources matérielles qui sont naturelles et agricoles, mais également l'eau dans le diagramme qui est présenté ici. Mais également, il parle de ressources qu'on pourrait considérer comme immatérielles, qui sont les compétences des habitants et les spécificités de production du territoire. Il adapte aussi la production de ses besoins à la Garden City de manière à atteindre un certain degré d'autosuffisance, ou plutôt, je pourrais qualifier plutôt d'autoconsommation. Pour le XXIe siècle, les potentialités que je vois à cette démarche, c'est l'exploitation des ressources territoriales matérielles et immatérielles pour favoriser la transition socio-écologique à l'échelle locale, la production d'énergie renouvelable, mais aussi les questions de la construction et des matériaux de construction, pour parvenir à faire émerger ce qu'on appelle des écosystèmes énergétiques territoriaux. Le deuxième axe, c'est celui de l'aménagement et de l'habitabilité urbaine. C'est l'axe de la morphologie urbaine, des aménagements et des transports, des choses très pragmatiques, mais aussi l'axe de l'habitabilité qui est défini comme la somme des composants matériels et immatériels qui font la qualité de vie du lieu. Ce que dit le modèle théorique, Howard part du principe qu'il établit une faible densité qui est autour de 13,5 logements par hectare, qui est une faible densité mais qui comprend les services sur place et aussi la production de ressources par le territoire. C'est une réaction, cette faible densité, à une réaction assez hygiéniste à la surpopulation des quartiers ouvriers du XIXe siècle qui était plutôt autour de 120 à 150 logements par hectare. Donc c'est vraiment une idée de promouvoir l'hygiène et la salubrité garantie à tous les habitants, d'améliorer la santé et le confort individuel, mais aussi de maîtriser, une autre idée qui est celle de maîtriser la croissance de la ville et de la limiter en conservant une unité urbaine par ce qu'ils appellent les Green Belts, donc la ceinture verte. À l'intérieur même de la ville, une forte présence du végétal aussi. La marche au niveau des transports et des mobilités, comme on parlait tout à l'heure, la marche est privilégiée au centre de la Garden City et les transports sont déclinés en fonction des différents usages et diversifiés avec notamment le train, le transport de marchandises qui est relégué à l'extérieur de la ville. La potentialité pour le XXIe siècle, c'est vraiment de définir le lien manquant entre la question de bâtiments à énergie positive et de territoire à énergie positive, qui pourrait être un modèle d'urbanisation à énergie positive, qui est vraiment le lien manquant entre ces deux. La question aussi, c'est de définir quelle est la juste densité pour la ville bas carbone, sachant que, par exemple, les écoquartiers qu'on produit maintenant sont plutôt autour de 100 ou de 110 logements par hectare, donc forcément, il y a une question de compacité de la ville et d'augmentation de la densité qu'avait prévu Howard qui se pose. Il y a des questions de privilégier aussi les principes bioclimatiques pour la conception architecturale et urbaine notamment, de maîtriser le développement urbain et de vraiment dans la planification de la ville, et les questions de santé et d'amélioration qui se posent dans l'amélioration de l'environnement urbain et dans la conception. Troisième axe, avant-dernier axe, celui de l'acteur et des gouvernances. Il désigne l'ensemble des acteurs politiques, privés et publics, mais aussi les règles et les stratégies qui permettent le bon fonctionnement et la gestion de la Garden City. Campagne et Pecker nous disent que les ressources territoriales évoquées précédemment résultent d'une valorisation locale intentionnelle de cette ressource par un ensemble d'acteurs privés, publics, mais aussi associatifs. Howard préconise pour ça un principe de subsidiarité où il donne pour avoir plutôt plus d'efficacité dans les prises de décision locales, donc une gestion vraiment optimisée au niveau local, une diversité des acteurs qui vont de la municipalité à l'entreprise mais aussi à l'habitant, une gouvernance locale qui collabore avec l'entreprise privée et qui la soutient sur certains services, et une forte incitation à la coopération des entreprises, mais aussi des habitants, même dans leur logement, ce qui nous fait penser au développement de l'habitat coopératif chez nous, enfin, de contemporain. Pour le XXIe siècle, donc, vraiment, l'idée, c'est de s'insérer dans une vision politique à long terme, d'où la question aussi des scénarios, et notamment des scénarios d'acteurs, comme le préconise l'équipe de Gilles Devizet, et d'adapter et d'optimiser les différents types de gouvernance aux objectifs énergétiques. Le but, c'est vraiment de favoriser l'émergence d'acteurs nouveaux de l'énergie, comme par exemple des coopératives citoyennes de l'énergie. Dernier axe, celui de financement dynamique, de financement et de la dynamique économique. Le financement, je considère par là le système de financement de la Garden City, qui est assez spécifique, qui garantit une certaine égalité sociale et qui considère le foncier comme bien commun. C'est aussi l'axe du système économique local, qui rend la Garden City à la fois attractive, mais aussi dynamique, tant pour les habitants que pour les entreprises. Le modèle théorique imaginé par Howard considère que la Garden City est un projet qui n'a pas d'apport financier initial, qui nécessite donc un emprunt, mais par contre que les propriétés foncières sont possédées par la municipalité, le loyer est perçu par cette municipalité et reversé au bénéfice de la communauté. Ce loyer sert progressivement à rembourser l'emprunt, il rapporte un revenu régulier, il finance et entretient en même temps ce qu'on voit et ce qui est explicité par ce diagramme, il finance et entretient la Garden City, les infrastructures, mais aussi les espaces publics et les logements. Et au niveau économique, il y a vraiment cette idée d'emplois locaux, d'emplois locaux, donc une libre concurrence des entreprises dans la Garden City, qui est limitée par un numerus clausus, donc une certaine maîtrise de la municipalité quand même de cette libre concurrence. Et c'est ce qu'Howard entend par entreprises semi-municipales, qui peuvent assurer comme ça une partie du service public. Pour le XXIe siècle, les potentialités qu'on voit là, sur ces questions-là, c'est notamment le financement de la transition énergétique par cette ressource financière qui vient du foncier. La transition énergétique, ça veut dire financer l'habitat, ça veut dire financer l'infrastructure, les infrastructures de production énergétique notamment. C'est aussi le développement d'emplois verts dans l'environnement, mais aussi l'exploitation des ressources territoriales et les questions d'innovation. C'est aussi de trouver une nouvelle source d'économie dans la frugalité, donc par l'économie d'énergie, dans l'autoconsommation qui permet une économie financière, et aussi dans la question de l'apport de revenus, étant donné que la production énergétique peut aussi être source de revente éventuelle et de revenus financiers. Le but étant de financer ces écosystèmes énergétiques territoriaux. Pour finir, pardon, conclusion, je conclue, le modèle des Garden Cities se caractérise finalement par une habitabilité urbaine favorable en constatant l'évolution, en constante évolution, pardon, et un rapport au territoire dynamisé par une économie locale. L'étude de l'évolution de ce modèle des Garden Cities et en particulier de ses potentialités pour la spatialisation, la transition socio-écologique du XXIe siècle, vont par la suite me permettre de confronter ce modèle à la réalité des enjeux contemporains, tout en amorçant une démarche, et c'est le but de ma thèse, pour envisager une habitabilité désirable dans le contexte français de demain. Voilà, merci. Désolé pour la lenteur. Merci Nicolas, ça va juste remplir un peu, il reste 30-25 minutes pour un temps d'échange. Est-ce que Anne-Claude est là? Oui, je suis là. Oui, j'ai un vrai problème là parce que vous avez décrit ça me demande si votre directeur est là, parce que vous avez décrit quelque chose qui est tout à fait passionnant, mais on dirait plus un problème politique et une sorte de, voilà, de déclaration d'intention très idéologique, dans le bon sens du terme. Sur ce qu'il serait susceptible de. Sur ce qu'il faudrait faire. Ou sur ce qu'il... Et donc je suis un peu troublée parce que, comme vous êtes ici normalement pour présenter un sujet de thèse, je pense que vous êtes en porte-à-faux. Et donc je voudrais attirer votre attention sur les dangers d'être en porte-à-faux parce que créer un programme d'action, le défendre, aller voir des élus, aller voir des financeurs, etc., et leur dire, voilà, c'est comme ça que je voudrais faire, et je monte une association, et je suis le nouveau Howard du XXIe siècle, pourquoi pas. Mais ça ne fait pas de vous un bon candidat à la thèse. Quoi. Donc, je pense qu'il y a, y compris dans la manière dont vous avez énoncé votre proposition, il y a une sorte de rhétorique qui n'est pas celle qu'on attend de quelqu'un qui fait une thèse. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à comprendre pourquoi, parce que ça risque franchement de vous poser problème par la suite. Hein. Si vous voulez rester dans le cadre qui est celui d'une thèse, il faut que vous modifiez, à mon avis, la manière dont vous présentez vos sujets et peut-être un peu aussi vous poser un certain nombre de questions qui, moi, me semblent assez ennuyeuses, enfin assez ennuyeuses. C'est un peu difficile. Voilà, je pense, si vous voulez, de manière très, très simple, que le principal problème que vous soulevez, c'est, qui est intéressant, c'est comment trouver une nouvelle organisation du logement, puisque vous parlez surtout du logement, pour répondre aux problèmes que vous avez évoqués tout au début. Mais qui ne sont pas du tout, à mon avis, c'est là où franchement je ne suis pas très convaincue par en tout cas l'approche telle que vous la formulez aujourd'hui, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux de la fin du 19e. Hein, vous dites il y a une crise du logement, mais ce n'est pas du tout la crise du logement de la fin du 19e siècle. Il y a une transition énergétique, mais ce n'est pas du tout la même question que le passage du charbon au pétrole. Et c'est un épiphénomène à la question de l'énergie solaire à ce moment-là. Vraiment, on n'en parle même pas. Hein, c'est vraiment, vous l'avez dit, mais ça ne compte pas. En revanche, ce qui est quand même un peu compliqué, c'est de penser que la théorie serait là toute prête, celle de Howard, disponible pour arriver à concevoir cette spatialisation de la transition énergétique sur laquelle tout le monde à peu près s'accorde à dire qu'elle est raisonnable, puisque c'est même passé dans la loi. Quand quelque chose est passé dans la loi, c'est même plus une question de débat, hein, c'est la loi. Voilà, alors, donc si vous voulez, je ne comprends pas, franchement, comment un modèle établi à l'aube du 19e siècle, avec une organisation sociale qui n'a rien à voir, avec un rapport entre les hommes et les femmes qui n'a rien à voir, avec une connaissance du monde et des outils qui n'ont rien à voir, avec l'absence totale de ce dont on a parlé juste avant, de la question numérique, etc. Je ne comprends pas comment, et je ne comprends pas comment vous pouvez le justifier. Je comprends bien qu'on peut le faire pour un exercice théorique qui ne serait pas la thèse et qui serait je cherche des raisons pour mon action et je les trouve là. Mais dans le cas de la thèse, qui est un travail de recherche scientifique, je ne comprends pas comment vous pouvez soutenir cette thèse. Je ne comprends pas comment on peut dire que ce qu'a pensé Howard en 1905 pourrait servir aujourd'hui à... Voilà. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est est nourri par une réflexion qui est aujourd'hui, en France comme ailleurs, il y a un sujet sur lequel il y a une démographie absolument gigantesque, qui est celui des écoquartiers. Vous n'en parlez absolument pas. Comme si rien n'avait été fait pour spatialiser la transition énergétique. Que je sache, les écoquartiers, depuis qu'ils existent, depuis qu'ils sont théorisés en bien ou en mal, ça ont été pensés pour ça, pour spatialiser la transition énergétique. Il faudrait quand même en faire un peu le bilan, non ? Alors ensuite, il y a des erreurs, à mon avis, catastrophiques dans l'énoncé de la généalogie des cités-jardins. Les villes nouvelles anglaises des années 43-45, du plan Abercrombie, n'ont rien à voir avec les cités-jardins. Le modèle de la cité-jardin de Howard a échoué. Pourquoi il a échoué ? Vous n'en parlez pas. En quoi il a échoué ? Il n'est jamais devenu une ville productive. Hein, c'est resté des villes résidentielles plutôt agréables aujourd'hui et plutôt en très bon état, dans lesquelles on vit, effectivement, mais il n'y a pas de structure productive. Tous les systèmes de production qu'avait imaginé Howard n'ont pas fonctionné. Hein, c'est devenu des villes dortoirs, si vous voulez. Et c'est aussi un peu moins grave le problème des villes nouvelles anglaises, de Milton Keynes et autres. Certes, il y a quelques emplois, mais la plupart des gens qui habitent dans ces villes-là ne travaillent pas sur place et travaillent ailleurs. Hein? C'est un moins grand échec que les cités-jardins de Howard. Et alors, il y a aussi, alors là, je ne comprends pas pourquoi, il y a eu des dizaines de livres sur les cités-jardins en France, telles qu'elles ont été développées avec la question du musée social, qui est quand même une structure extrêmement intéressante, vous n'en parlez absolument pas, comme s'il ne s'était rien passé. Le modèle s'est transféré aux États-Unis, vous n'en parlez pas. Ce modèle a été critiqué, ce modèle a été évalué, ce modèle a été, on pourrait dire, reconceptualisé. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? J'imagine que Anne vous a soutenu, mais qu'est-ce que cette idée incroyable de partir de quelque chose comme si rien ne s'était passé entre 1905 et 2017. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, je vais essayer de reprendre les choses en ordre. D'une part, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de dire je reprends le modèle et de refaire un nouveau modèle. C'est d'arriver à analyser l'évolution au cours du XXe siècle. Vous faites, hein. Là, dans ce que vous avez présenté, à la fin, notamment, voilà la théorie, voilà aujourd'hui ce qu'il faudra en dire. Oui, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Ça, c'est ce que je n'ai pas développé, puisque c'est ce que j'ai indiqué dans mon corpus, mais qui est en cours de réalisation, et que je vais concrétiser en retournant en Angleterre. Vous n'avez pas prononcé le mot de Sellier, le nom de Sellier ? Oui, alors je peux revenir sur les questions des cités-jardins, mais les cités-jardins, c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué. En France, la diffusion au niveau international en Angleterre et en France n'est pas du tout sur les mêmes principes et sur la même théorie. Oui, et en Allemagne ? Oui, mais le... Si vous voulez, de passer de la cité-jardin dans votre corpus de Howard à Milton Keynes et autres, franchement, mais je pense que ça pose question. C'est pour moi un prolongement Oui, mais pour moi qui suis chercheur aussi sur ces questions-là, excusez-moi, ça ne me semble pas l'aller de soi. Franchement. Et bien, il faut falloir que je l'explicite plus. Ah bah oui, vraiment sérieusement. C'est pas parce que ça se passe en Angleterre que c'est les mêmes. Non, c'est parce que c'est aussi des acteurs qui sont dans la continuité, qui ont. Qu'est-ce qu'on fait par exemple de Francfort à Maine? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces exemples-là qui sont aussi influencés d'une certaine manière par la question? Oui, bien sûr. Vous n'en parlez pas. Mais la démarche, c'est vraiment. La démarche, c'est vraiment d'étudier l'évolution en Grande-Bretagne, puisqu'il y a eu des acteurs qui sont dans la continuité de la Garden City Association, qui est notamment la TCPA, et qui prolonge ces principes-là originaux qui ont été développés par la théorie de Ward et qui ont été dévoyés, notamment en France, la question des cités jardins, qui était plus du paternalisme et des questions d'hygiénistes autour d'entreprises et de villages industriels et qui n'ont rien à voir avec les principes développés par Howard. Oui, mais si les principes de Howard, même en Angleterre, n'ont pas été un succès, n'ont pas été développés, c'est quand même ça un peu le. Voilà, là-dessus, ils ont été développés pour les Schwartz et Willin. Il s'avère qu'après, il n'est pas allé au bout de l'idée qui était vraiment une idée de décentralisation et de système décentralisé de Londres. Il n'est pas allé jusqu'à produire plusieurs cités-jardins qui étaient interconnectées. Par contre, pour moi, et clairement avec un combi qui est dans la continuité du mouvement des cités-jardins de Ward, notamment parce qu'il a été président de cette même association fondée par Ward, se base sur les principes des cités-jardins, des Garden City, pardon, anglaises, parce que j'essaye de faire la différence entre les deux, et de reprendre plusieurs principes de cette théorie-là initiale dans la construction des Newtons. En tout cas, vous avez sûrement croisé Pierre Merlin dans votre bibliographie, non ? Non. Pierre Merlin, avant de faire le projet des villes nouvelles françaises, va voir les villes nouvelles anglaises, les analyse, en fait la critique, etc. Donc, si vous voulez, vous débarquez un peu dans un terrain qui est quand même déjà très, très, très investi. Oui, mais... Il n'y a pas rien là-dessus. Pas les principales références. Pas les françaises, parce que justement. Mais attendez, pas les françaises. Pourquoi pas les françaises? Parce que. Comme si le Brexit, vous avez persuadé que l'Angleterre était isolée. C'est quand même incroyable ça. Non, mais parce que pour moi, les idées ont été dévoyées à l'époque. Dévoyées de qui, de quoi? Ça veut dire quoi une idée dévoyée? Comme Hans Meyer veut développer le mouvement des cités-jardins, vous dites qu'est-ce que c'est dévoyé. Alors dites-le. En quoi c'est dévoyé par rapport à quoi? C'est pas parce que c'est pas le même homme que les idées sont dévoyées. Il faut absolument que vous expliquiez comment et pourquoi vous ne parlez que de l'Angleterre. Vous l'expliquiez. Sinon, c'est pas possible. Ça aurait nécessité une. Et si vous parlez de spatialisation, excusez-moi, entre la spatialisation, les modèles architecturaux et urbains des cités-jardins de Ward et Milton Keynes, franchement, c'est. Ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Mais c'est tout l'intérêt de la thèse. Mais alors, qu'est-ce qui reste? Notamment l'idée de Greenbelt, etc. Mais c'est tout l'intérêt de savoir. Greenbelt, on l'a à Vienne. L'idée de Greenbelt, on l'a. On l'a même à Paris. L'intérêt, c'est de comprendre comment les idées ont été reprises du modèle original, par quels acteurs, et aussi de savoir comment ça a été transformé. Notamment à Milton Keynes, c'est la question des voitures qui a transformé entièrement. Il ne faut pas dire le modèle des Garden City comme une réponse possible de la crise, parce que ce n'est pas ce que vous faites. Il faut changer de titre et dire les cités-jardins anglaises, la transition, la transformation d'un modèle entre Howard et les villes nouvelles anglaises. On a vu que ça a déjà été fait, mais vous pouvez toujours tenter le coup. Et ce n'est pas le titre que vous avez sur l'écran. Là. Parce que si c'est des Garden City, il faudrait mettre les Garden City selon le modèle de Howard tel qu'il a été posé en 1905 et actuellement transmis ensuite à mon avis, des écarts énormes avec l'Angleterre, et puis voilà, mais franchement, je trouve que vous perdez beaucoup de matière, parce que cette idée de la cité-jardin, je pense que vous avez raison de la poser, et que même, vous le savez sans doute, la ville de 3 millions d'habitants, Le Corbusier, pose encore le modèle de la cité-jardin, qui reste une référence en 25, pour lui, donc c'est une bonne idée, mais il ne faut pas la limiter à cette espèce de modèle initial, qui a été pris et utilisé par beaucoup de monde, qui a intéressé beaucoup de monde, y compris les Allemands. Oui, y compris les Allemands. Même le Vaxanov, c'est une sorte de cité-jardin. Donc, je veux dire, il n'y a que ce modèle-là qui m'intéresse, je ne comprends pas. Je pense qu'il faudrait peut-être me laisser répondre. Il y a deux amis dans la salle aussi. Non, mais je pense que si vous voulez, il y a vraiment un sujet qui est est-ce que ce, est-ce cette sorte de prise de position et du registre de la thèse ou pas. C'est un peu le problème. J'entends bien aussi. Ce que je veux dire juste par rapport à la continuité, on fait juste état d'un constat qui est la remobilisation de manière massive d'un modèle, en Angleterre spécifiquement, d'un modèle qui a été développé en Angleterre 100 ans avant, et qui est une mobilisation massive des politiques, des pouvoirs politiques de tous bords, mais aussi de privés et grands propriétaires terriens. Et cette question-là, elle est posée qu'en Angleterre, la question de faire des nouveaux établissements humains. Donc toute la question, c'est de dire ça se passe actuellement en Angleterre, sans dire que on va révolutionner. Je vais juste dire un tout petit mot, mais les écoquartiers, non. Et les écoquartiers, pour moi, on n'est pas dans une question de ville nouvelle, de nouvel établissement humain. C'est un quartier, d'une ville. Donc pas Bonn est un quartier, c'est pas lui un nouvel établissement humain. Juste un dernier mot, et vous ne pensez pas, comme la critique qu'on a faite ce matin, que c'est un mot valise et qu'il est un peu large et qu'il a été tellement tordu et tellement torturé que finalement entre la cité d'Arlington Model dont vous parlez et celle qu'on est en train de faire aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Oui, sûrement. Mais la question c'est comment la première intention que j'ai dans ma thèse, c'est d'analyser ça, d'analyser cette évolution-là, et notamment jusqu'au dernier projet, notamment le Huxter qui réinterprète aujourd'hui, en 2014, pour des raisons économiques, avec le contexte contemporain, et qui apporte de nouvelles solutions, et c'est des urbanistes qui font de l'opérationnel et qui vont construire avec ça. Oui, okay, mais si vous voulez, vous comparer le 19e siècle avec le 21e siècle sans mettre au milieu ce qui s'est passé, à mon avis, c'est vraiment compliqué. Oui, c'est pas forcément que là-dessus, moi, je pense que vous faites c'est pas forcément une comparaison. Je dis juste qu'il y a eu des similitudes et que j'essaye de comprendre un petit peu l'essence de l'évolution vis-à-vis de la question énergétique. Je fais pas une comparaison et une transposition comme ça. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça peut faire émerger l'analyse de cette évolution-là comme potentialité pour les questions énergétiques d'aujourd'hui. Pas plus que ça de comparatif, c'est juste une analyse temporelle, enfin chronologique, plus que une mise en relation et une confrontation. Là, ça va faire une diapo. Comme ça dit. Si je peux, oui, on a la diapo. L'idée, effectivement, vient de passer du 19e siècle jusqu'au 21e siècle en passant par toutes les étapes intermédiaires. Y compris les new towns, on y reviendra tout à l'heure, y compris le travail d'Urbed et tous les projets actuels de Garden Cities qui sont en cours. Sur la dimension politique, Nicolas travaille sur un précédent qui a une forte dimension politique, qui est un projet politique. C'est pas pour autant que lui-même est dans le militantisme politique. C'est son objet de recherche qui est politique, c'est pas sa position. Donc il ne peut pas, en travaillant sur le modèle théorique de Ward, il ne peut pas éliminer cette dimension-là, sauf à passer à côté du sujet. Donc effectivement, s'il y a un risque qui apparaît, il faut s'en prémunir, mais je ne suis pas inquiète sur ce volet-là, c'est pas, Nicolas n'est pas en campagne électorale, et je pense qu'il... Il fait lui-même la distinction et il a le cadre qu'il faut au laboratoire pour faire la distinction entre l'objet de recherche et le militantisme. Après, je voudrais préciser que ce sur quoi travaille Nicolas, c'est bien la spatialisation de la transition énergétique et le modèle... Le précédent qu'il convoque et le modèle sur lequel il travaille, il n'a jamais prétendu que c'était la seule réponse possible et la seule manière de travailler. D'ailleurs, dans son sous-titre, il y a un point d'interrogation du sous-titre, c'est-à-dire que la question est quand même de cerner dans quelle mesure et dans quelle limite le modèle est transposable, non pas directement, encore une fois, du 19e siècle jusqu'au 21e, mais à travers toutes les étapes intermédiaires. Alors, ces étapes, nous avons choisi de les limiter à l'Angleterre, mais ça je laisserai sur ces questions-là, je laisserai Stéphane Sadou intervenir ensuite sur ces questions plus précisément. Et c'est la raison pour laquelle il emploie le terme Garden Cities et non pas de Cité Jardin, pour effectivement limiter le sujet pour différentes raisons sur lesquelles on va revenir. Et donc, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse Nicolas dans ce précédent, c'est justement la dimension, l'approche holistique. Et si effectivement la transition énergétique est dans la loi, c'est à travers ses objectifs. Mais la loi ne dit pas la manière d'y parvenir, et encore moins pour les architectes et l'aménagement en général. Donc, le travail de thèse, il porte sur la manière d'y parvenir et il prend comme objet un précédent qui peut fournir un certain nombre de pistes parce qu'il a été testé, parce qu'il a, il y a plus d'un siècle de recul justement sur la question. Alors je suis d'accord sur le fait qu'il faut mener jusqu'au bout, ça sera l'objet de sa thèse, hein, qui est loin d'être terminée, l'analyse de ces expérimentations, celles du début du siècle ou celles qui ont suivi, et même celles qui sont actuelles, hein, qui, pour certaines, sont en projet et d'autres déjà en cours de réalisation. Donc voilà, je voulais pas préciser ces différents éléments parce que je pense qu'il y a eu un gros malentendu sur les objectifs de Nicolas, que je comprends en partie parce que Nicolas, je savais bien dit de préciser que pour des raisons de temps de présentation, tu faisais ce raccourci entre le 19e et le 21e siècle. Je t'ai dit, il faut bien préciser que tout ton travail s'est justement rapporté sur ce qui se passe aussi entre les deux. Alors tu l'as certainement pas suffisamment affirmé. Voilà. Bon, mais je pense que Stéphane va intervenir sur la relation Garden City-Newton, c'est notamment. Oui, oui, je peux peut-être compléter avec deux, trois éléments en essayant d'être assez succinct. Première chose, je rappelle ce que Anne vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a un point d'interrogation à la fin du sous-titre, hein, qui effectivement ne part pas du principe que ce modèle des Garden Cities serait la réponse à la transition énergétique, éventuellement un élément parmi d'autres. Deuxième point qui me semble important à rappeler en termes de chronologie, c'est que le sujet a été déposé auprès de l'ADEME pour un financement en 2014. Donc la même année que le prix Wilson était lancé, le gouvernement anglais annonçait la construction, la programmation en tout cas des deux premières, des deux nouvelles en tout cas de cités jardins qui totalisaient à l'époque 28 000 logements pour être précis. Ce que je constate, c'est qu'entre le moment où on dépose le sujet de thèse et la date à laquelle nous sommes aujourd'hui, on parle aujourd'hui quand même de 200 000 logements. Donc, sans aller jusqu'à dire que nous sommes persuadés que ce modèle a toutes ses chances de répondre à une partie des crises que connaît notre société aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on a sans doute raison, au moins, d'interroger les raisons pour lesquelles aujourd'hui les gouvernements successifs, qu'ils soient portés par des libéraux démocrates ou des conservateurs, un think tank qui est quand même de renom plutôt libéral, le think tank pour les CL Change, on voit tous un modèle qui est quand même issu du socialisme. Donc quand le pendant droit de l'échiquier politique commence à convoquer pour répondre à des problèmes qu'il a sans doute lui-même créé, un modèle qui est issu plutôt de l'autre côté de l'échiquier, je pense qu'on a quand même raison de moins poser la question, savoir pourquoi. Nous, ce qui nous intéresse et qui ressort sans doute dans la dernière partie de la présentation de Nicolas, je pense que c'est la question notamment fondée qui consisterait à essayer de trouver des solutions pour financer la transition énergétique qui a quand même un coût. Je tiens à rappeler que vous avez raison de souligner, Virginie, que le modèle a été effectivement exporté, transposé, transformé, sans doute mené à mal. Nous, on part quand même du principe que, et c'est la raison pour laquelle on parle des Garden Cities et non pas des cités jardins, qui ont effectivement fait l'objet d'un certain nombre de travaux, et je pense notamment au très bel ouvrage de Schkern, qui a été publié aux éditions de Montréal il y a à peine de 3 ans, hein, la ville de 880 étages, qui est une collection de tous les exemples, non pas de Garden Cities, d'ailleurs, mais de Garden Suburbs, qui est un peu. Moi, j'ai quand même la faiblesse de penser que la seule et unique véritable Garden City qu'on connaisse aujourd'hui, qui fonctionne à un modèle original, c'est quand même l'Edgeworth. L'Edgeworth, c'est la première Garden City qui a été créée en 1903. Elle est la seule aujourd'hui au monde, à ma connaissance, à encore permettre à une fondation, donc avec mon lucratif, hein, qui est la suite de la Grande Cité des First Grand City des Métiers, qui a construit l'Edgeworth, qui a permis de la financer. En tout cas, elle récupère quand même chaque année 4 millions de livres sterling encaissés sur la base des loyers qu'elle perçoit au titre de la location qu'elle met à disposition, notamment d'industriels. Il y a quand même de l'industrie, et si on arrive à récupérer 4 millions de livres par an, c'est qu'il y a plein de l'industrie qui se sont installées dans des locaux qui appartiennent à l'association. Donc là, au niveau de l'équilibre emploi et logement, il y a encore, et à contrario effectivement de Wallim, vous avez raison, Virginie, souvenez que le modèle fonctionne peut-être moins bien aujourd'hui. La raison étant que dans l'après-guerre, le gouvernement l'a quand même identifié comme étant une ville qui devait, enfin une cité jardin qui devait devenir une ville nouvelle. La ville le nouvelle. Problème, c'est la production, c'est ça la question. Non, mais si Wallim aujourd'hui est une banlieue dortoir, c'est que la production qui permettait l'équilibre en 1920, cet équilibre a été complètement sapé dans l'après-guerre quand le gouvernement décrète que Wallim devient une ville nouvelle et que 30 ans plus tard, Margaret Thatcher revend tous les biens de la ville. On n'a jamais non plus construit cette espèce de galerie commerciale de Crystal Palace, vous voyez la pelle. Cette partie-là n'a jamais été réalisée. À l'Edgeworth, elle a été réalisée. À l'Edgeworth, elle a été réalisée. Il y a un nombre impressionnant d'emplois. Oui, mais... Et même à Milton Keynes, vous savez qu'aujourd'hui, on a quand même 50% de la population qui travaille dans Milton Keynes. Bon, on n'est pas non plus dans... Oui, mais c'est par rapport à l'ambition d'une ville qui était peut-être une illusoire, et c'est d'où la distance aussi qui avait été très limitée, autonome, ou dans une certaine forme d'autonomie, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on a reproché aux villes nouvelles anglaises, et c'est ce qu'on a recherché. Merlin, dans son livre sur les villes nouvelles, critique ça pour les villes nouvelles anglaises, et donc 20 ans plus tard, hein, puisque les villes nouvelles françaises sont lancées en 69, dit qu'il faut les rapprocher du centre, parce qu'une ville trop isolée, de toute façon, ne fonctionne pas, et en plus pose des problèmes de mobilité effectivement graves pour ses habitants, qui ne trouvent pas d'emploi sur place, et qui sont obligés de passer un temps important dans les transports. Donc on rapproche les villes nouvelles françaises par rapport à la critique qu'on fait de l'organisation des villes nouvelles anglaises. Et la seule ville nouvelle française qui a à peu près réussi, c'est les services publics. Tout à fait, mais dans les nouveaux établissements anglais, l'Edgeworth est quand même celle qui, en termes d'équilibre emploi sur place et ailleurs, fonctionne le mieux. C'est quand même celle qui est le plus éloignée géographiquement. Donc on est. Parce que toute la discussion, quelle distance, et surtout quelle est la taille aussi. Excusez-moi, il est bientôt 30, donc je pense que vous avez plein de choses à vous raconter pendant la pause. Il y avait juste Catherine qui voulait intervenir, et après on s'arrête là parce qu'il va falloir aller. Bon, moi je veux juste très rapidement deux petites choses. Je crois que pour moi, la Garden City n'est pas un modèle, c'est en effet une théorie. Ce sont l'énoncé de principe, et comme tout ouvrage de ce genre, il y en a quand même un certain nombre, le passage entre, il y a un certain nombre non seulement d'ouvrages, mais de projets de cette sorte-là, le problème est le passage de la théorie au monde réel. Comment, en effet, ce qui est énoncé, des principes énoncés, on parlait tout à l'heure de bâtiments manifestes, donc comment des principes énoncés, que ce soit par le dessin, par le texte, parfois par un édifice ou un pavillon, etc. Comment donc on passe de ces énoncés par ces modes-là, de principes, ensuite à leur traduction spatiale et sociale, puisque la question de la Garden City c'est comme ça, c'est quand même ça, la traduction spatiale, sociale et économique dans le monde réel. Et dans les faits, quand on regarde la façon dont ça, on a essayé de les traduire dans le monde réel, oui, c'est quand même un relatif échec à plusieurs niveaux. Donc c'est ça qui, c'est ça qui est aussi intéressant à analyser. Après, il y a autre chose. C'est-à-dire que dans ces projets construits aujourd'hui en Amérique, pour moi, les New Towns n'ont rien à voir avec les Garden City, même si on se revendique. Et dans les projets construits au XXIe siècle, on peut en effet se prévaloir de l'idée de Garden City, etc. En effet, les New Urbanism, ils mettent ça en avant parce que ça leur permet en effet d'entretenir ce discours aussi idéologique, échelle du piéton, économie locale, tatatitatata, ce que tout le monde vend aujourd'hui. Mais il faut pour moi dissocier ce qui est de l'ordre du discours à la fois conduit par des politiques, des promoteurs, des investisseurs, etc. Et ce qui se construit effectivement. C'est-à-dire que là encore, il y a plusieurs niveaux qu'il faut analyser. Je pense que c'est ça ce que voulait dire Virginie. Notre rôle en tant que chercheur, ce n'est pas prendre tout ça comme argent comptant. C'est en fait de l'analyser et donc de se dire, ok, ces gens-là, ils nous vendent telle ville nouvelle comme une Garden City. Est-ce qu'en effet, ok, on va marcher, on va avoir le nombre de trottoirs suffisants, de petites bandes, ok, d'accord. Est-ce que, c'est pas évident. Et puis j'ai envie de dire, si en écoutant tout à l'heure, et en la description de ces villes nouvelles, la façon dont elles sont construites, les investissements privés, etc. Bah, moi, ça me faisait quand même penser à beaucoup de choses qui se sont construites durant tout le XXe siècle, notamment un certain nombre de gated communities aux États-Unis. Est-ce que c'était l'enjeu de la Garden City? Donc pour moi, vous voyez, c'est toute cette dimension critique, je pense, qu'il va falloir développer dans la thèse. Parce qu'une thèse, c'est ça, c'est ce recul indispensable, enfin tout travail de recherche de reste, c'est ce recul indispensable qui nous permet de regarder, en effet, d'analyser des discours, une fois de plus que ces discours soient construits par le texte, par des projets. Voilà, et c'est ce avec quoi je voulais... Juste rapidement, c'est exactement... Vos gardiennes animales. C'est exactement l'objectif d'avoir ce discours critique, que ça soit sur les nouvelles productions actuellement qui se disent des nouvelles Garden City et qui emploient le terme, alors que en fait dans la réalité on se rend compte que c'est peut-être pas exactement ça, parce que les principes originaux et notamment la question du foncier, la rente foncière n'existe pas. Et en même temps il y a plusieurs discours à cette époque, comme la Town and Country Planning Association qui défend justement le fait de faire évoluer les choses dans le sens du principe originel. Pourquoi du principe originel? Pas parce qu'il est, il est forcément meilleur, c'est juste que le part du principe, et ils le font évoluer d'ailleurs sur les questions de transition énergétique eux-mêmes, ces principes de Ward à la base, donc ils s'autorisent même à ne pas respecter le dogme à la lettre, mais justement à la modifier, parce que Howard lui-même l'a défini comme quelque chose de qui peut être en mutation avec son époque et qui peut évoluer. Donc l'aspect critique, je suis d'accord, pas assez évoqué dans ma présentation, mais il est à faire début et des textes de Howard, à ne pas prendre à la lettre, mais surtout pas, mais à comprendre pourquoi ça marche à la limite, et avec la spécialisation et avec les réalisations, pourquoi c'est pourquoi ça n'a pas marché aussi, et notamment ces choses-là sur Weyline qui ont fait que c'est l'évolution justement qui a fait que ça n'a pas fonctionné. J'ai interviewé notamment des gens là-bas qui sont plutôt dans le Heritage Trust qui défendent un petit peu ce côté un peu historique de la Garden City, et qui partaient du principe que Weyline, si n'avait pas été racheté, etc., parce que c'était plus proche de Londres, parce que industriellement c'était plus important, lui, il tablait sur quelque chose de l'ordre de 20 millions et non pas 4 millions de Letchworth. Donc quelque chose qui aurait été beaucoup plus puissant financièrement, et c'est là où est l'intérêt de la chose. C'est pas forcément, c'est aussi dans l'attraction et l'emploi sur place, mais c'est aussi dans ces systèmes-là qui ne sont plus que des systèmes spatiaux, qui sont des systèmes financiers, qui permettent de générer une spatialité intéressante et des solutions pour les crises, mais qu'elles soient contemporaines ou pas. Donc c'est vraiment l'analyse de ces aspects individuellement, de ce qui fait système dans ces aspects-là, et d'avoir un regard critique sur tout au long de la chaîne, et d'arriver à trouver les liens. Juste une suggestion, parce qu'il y a un moment, je crois qu'il faudra que vous distinguiez l'aspect architectural et l'aspect foncier. Oui, clairement. Parce qu'avec la même bonne volonté, on peut faire du truc. Des villes très denses, ou au contraire, des cités des jardins, vous voyez. De dire que le sol est loué et n'est plus propriété de la personne qui construit, ça peut donner des formes d'urbanisation très différentes. Oui. Je pense que c'est tout ça à interroger, je suis d'accord. Qu'il faut interroger.